Le malheur peut-il nous rendre fous? Il y a beaucoup d'explications théoriques et médicales aussi de la folie, cette perte de la raison chez les êtres qui en sont dotés, par exemple, et avant tout les êtres humains. Il y a des explications philosophiques maximales, au fond, par une sorte de déperdition, de perte d'essence de l'humanité et de la raison. Il y a évidemment des explications médicales, neurologiques, et il faut les approfondir, les pousser au plus loin possible. Mais il y a une sorte d'explication ordinaire aussi, d'un certain genre de folie en tout cas. C'est la folie qui est engendrée par ce que on pourrait appeler des extrémités émotionnelles. Par exemple, des extrémités émotionnelles, même positives. On parle dans ces cas-là d'amour fou, par exemple. Les psychanalystes parlent aussi de la folie ordinaire, de l'attachement maternel primaire. Les parents ont un moment de folie normale, un moment où ils oublient tout le reste, où ils sont prêts à tout, et même parfois au sacrifice de leur vie pour préserver la santé de leur enfant. Et c'est là aussi un mécanisme de préservation de l'espèce. Les émotions poussées à l'extrême nous font peur aussi la raison. Et bien entendu, c'est aussi et sans doute d'abord le cas des émotions négatives. C'est pourquoi dans l'expérience ordinaire, on dit qu'on est devenu fou par détresse, par le doute lui-même et sans doute aussi avant tout par le malheur. Mais même cette explication par le malheur peut faire l'objet d'instrumentalisation morale et politique. C'est le cas dans un film extraordinaire, Europe 51 de Roberto Rossellini, dont le titre dit bien à quel point le lieu, l'Europe et la date 1951 sont importantes et qui ressort aujourd'hui dans une nouvelle version numérique, et où Rossellini s'inspire de la philosophe Simone Weil pour montrer comment, au fond, le malheur est une expérience fondamentale de l'humanité qui peut être instrumentalisée sous le nom de folie, même si elle fait souffrir aux limites, en effet, de la pensée et aux limites de la folie. Dans ce film, que se passe-t-il exactement? Ingrid Bergman joue le rôle d'une mère qui voit mourir son enfant dans un geste, un acte, un moment terrible, et qui, d'une certaine manière, semble en perdre la raison. Mais en fait, ce n'est pas le cas, car ce à quoi l'ouvre son malheur, c'est au malheur des autres. Cette grande bourgeoise, à travers cette expérience terrible, s'ouvre au malheur de tous les autres humains, comme Simone Weil l'avait très bien expliqué. Elle devient sensible au malheur des autres, elle veut s'occuper des malheureux, des misérables et même les soigner. Mais c'est là que son milieu social la juge folle. Et au lieu d'accompagner la révélation que lui procure le malheur de la vérité de la condition humaine, son mari, sa famille l'enferment dans un asile. Alors ce n'est pas le malheur qui l'a rendue folle, même si elle a été en effet folle de souffrance. Mais cette folie lui a aussi révélé une vérité. C'est la société qui l'a accusée de folie, qui l'a exclue du monde des humains, qui trop facilement a dit que le malheur l'a rendue folle. Ne nous y trompons pas, prenons soin du malheur, car il peut conduire à la folie, mais il peut conduire aussi à l'expérience de la vérité de la condition humaine, comme Rossellini, s'inspirant de Simone Weil, l'a montré à travers le personnage d'Ingrid Bergman dans ce film Europe 51, au cœur de l'après-guerre, dont il dit aussi, bien sûr, la vérité.